Que les descendants des samouraïs cessent de caresser la chimère, c'est sous ce titre que le quotidien coréen Lotan Simon a fait paraître le 5 un commentaire. Voici le résumé. Ces derniers jours, on vient de révéler de nouveau que les réactionnaires japonais ont inclus des données frauduleuses sur le droit de propriété de l'île de Do, même dans les questions d'examen des enfants d'école primaire. Il s'agit là d'une tentative sournoise de conduire les enfants à considérer la nation coréenne comme occupant et l'île de Do comme territoire japonais occupé par la nation coréenne. Cette dénaturation de l'histoire impudente est un prélude de guerre des descendants des samouraïs déterminés à insuffler aux nouvelles générations l'ambition d'expansion territoriale et le revanchisme pour les pousser de nouveau à l'agression contre la Corée. Voilà sa dangerosité. Chose sérieuse, c'est que la tentative japonaise d'expropriation de l'île de Do dépasse la limite de dénaturation de l'histoire. Ces dernières années, le ministère japonais de défense a inscrit dans le livre blanc de la défense que l'île de Do fait partie du territoire japonais. En fait, les descendants des samouraïs mettent en pratique l'un après l'autre les plans criminels d'occuper l'île de Do par les forces armées. Une telle témérité est impensable sans le soutien et l'encouragement des États-Unis décidés à utiliser le Japon dans leur stratégie d'hégémonie mondiale. Les réactionnaires japonais en proie à la réagression ont beau apprendre l'histoire dénaturée à la nouvelle génération pour insuffler l'ambition d'expropriation territoriale. Si le Japon s'obstine à l'expropriation territoriale, l'archipel sera à jamais submergé dans la mer de l'Est de Corée par nos frappes impitoyables.